À la trahison, mon grand-père avait raison. Y'a rien à faire en bas, mon fils reste à la maison. De chez moi, le hara résonne. A chaque fois, je sais que ma mère a les frissons. Qu'elle a peur pour son fiston. Car il sait bien qu'en bas, le vice tourne. Mais j'ai tous mes potes au réseau. Et ils font des sous, j'ai pas un euro. Et le manque d'argent à la maison, t'sais. Dans le quartier, on est vite tenté. Pardonne-moi, maman, je t'ai pas écouté. Ouais, je voulais nous sortir de la galère. Dans cette banque, je suis rentré cagoulé. Sais-tu combien j'ai mal quand je vois tes larmes couler? Je vendrai jamais mon âme. Y'a qu'à Dieu qu'on se soumet. Ma dignité vaut plus que ça. Quand on va mourir, on va pas prendre nos marques et ça. On va quand même pas se rabaisser. On a des principes et des valeurs et ça, les miens le savent. Toujours le même depuis le bac à ça. Regarde-moi dans les yeux, parle-moi un peu de vérité. Ton amitié se résume qu'à ça. Quand je viens, t'es là dans la misère, tu veux m'éviter. Ma mère, mon gosse, je m'en vais ailleurs, au bord de la mer. Mon Glock, deux, trois billets. Adios. Ma mère, mon gosse, je m'en vais ailleurs. Au bord de la mer, mon Glock, deux, trois billets. Adios. Ma mère, mon gosse, ma terre, mon Glock, ma thèse, mon zère. Deux, trois billets non-stop, un cœur de pierre. Attitude de gangster, instinct, instable. Rester cool, c'est hostile, c'est hostile, c'est obscur. On les baisse et on style. On les gagne chez eux, on s'installe. Tu verras les dégâts sur mon snap. Dans les 16 mètres, c'est quand tu provoques. Roulette, passe mon jump, zizou. Buvette sur buvette, je dessoule. Roulette sur survette, bisous. Ma mère, mon gosse, je m'en vais.